rêve de liberté vraiment n'est qu'un doute des dommages pour un mari qui gentiment mais qui ne s'y modère. Vous viens en réalité que tu devrais pouvoir compter sur quelque peu de liberté puisque tu m'es fidèle. Même lorsque je danse, c'est de tout évident. Et donc c'est tout ce que tu voudras. Et bien, oublie la tâche de rien pendant que toi tu te passeras sous les bras de toutes les femmes que tu verras. Et si ce n'est pas que tu pourras, mais le souvent c'est tout à condition que d'art tu auras fait donc tout ce que tu voudras, c'est tout et que tu rendras. Et si devant tes yeux un beau jour, à d'autres je faisais la cour, n'aurais-tu pas, oh mon amour, de sujet de te plaindre? Donc je serai là pour voir, avec quel tact et quel savoir, c'est rempli tout ton devoir, il n'aura rien à craindre. Mais si l'heure est tardive, oh, j'attendrai passive. Fais dans toutes celles que tu voudras, ta femme est bien. Oublie-la, ça ne fait rien pendant que toi tu te pavaneras dans les bras de toutes les femmes que tu verras et qui te les tant que tu pourras. Fais le fou, mon petit loup, mais souviens-toi qu'après que tu auras fait danser toutes celles que tu voudras, c'est ma femme qui en profitera.